Le terme extraterrestre, c'est un autre terme qui veut dire qu'on se promène dans le temps finalement, mais qu'on est des terriens. Juste pour être sûr que tout le monde comprend bien quand on parle de... Bon, c'est sûr que là, ce soir, on fait une conférence qui, communiqué beaucoup d'éléments qu'on avait déjà vus dans d'autres conférences, puis des éléments neufs aussi. Quand on parle d'extraterrestres, c'est toujours, pour plusieurs personnes, c'est toujours un petit peu compliqué. Une personne dirait à un moment donné, ben Dieu est nécessairement extraterrestre, quel que soit le Dieu. Et s'il est terrestre, c'est pas le Dieu que l'humain veut, que l'humain recherche. Si on parle de divinité ou d'énergie extérieure, c'est encore extraterrestre, en ce sens que ça ne vient pas de Terre. Maintenant, il y a des questions fondamentales, comme tout à l'heure on posait, est-ce que c'est d'où viennent-ils ou bien non, ce serait de quand viennent-ils? Il y a effectivement des interventions qu'on a souvent appelées extraterrestres parce que le mot s'adaptait, s'appliquait bien à ce qu'on voulait dire à l'époque. Mais si on veut mettre plus juste, rendre plus juste le mot, on va parler plutôt de transtemporel. Donc, il y a des êtres transtemporels qui, effectivement, rentrent en contact avec l'humain. Et les contacts que j'ai eus avec les extraterrestres, dans la majorité des cas, étaient avec des êtres transtemporels. Donc, des êtres qui ont la capacité de traverser le temps et qui, la majorité, viennent du contexte planétaire. Donc, ce sont des terriens qui viennent de l'avenir et qui, traversant le fil du temps, reviennent aujourd'hui. Dans le passé, on a eu aussi souvent des personnages comme ça, qui étaient des transtemporels, qui ont rencontré des prophètes, et ils leur ont expliqué un peu l'histoire à venir. Les prophètes l'ont écrit, et l'histoire est venue. Il y a donc aussi des extraterrestres, c'est-à-dire des mécaniques extérieures au contexte planétaire. Donc, c'est deux choses. Transtemporel traverse le temps, extraterrestre veut dire extérieur au contexte terrestre. Okay, le prophète Daniel était un être transtemporel. Oui. Mais en contact avec des êtres transtemporels. Bon, des lions. Non. Les lions sont en contact entre eux quand ils étaient là. Pierre a bien aimé être en contact avec Daniel. C'est bien des os. Ça vient bien, hein? Eh oui. Mais t'as une chose tout à l'heure que je voulais dire, c'est que de temps en temps, moi quand je fais des conférences, ça arrive évidemment qu'on s'amuse énormément. J'aime bien qu'on puisse comprendre des nouvelles choses ou simplement se conscientiser en s'amusant. Une personne me demandait tout à l'heure si... parce que de temps en temps, il peut arriver qu'on va rire de quelqu'un en particulier ou de... Bon, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que les personnes que lui, Charles et moi, on arrive à rire quand on tire la pipe un peu, c'est les individus que l'on connaît et avec lesquels on s'entend bien. Et c'est important de comprendre l'idée parce qu'à un moment donné, on crée une fausse pudeur qui va faire en sorte, par exemple, qu'on va rire entre nous, de nous, et on ne rit pas des autres. C'est un peu comme si je dis, moi, tout à l'heure, j'ai vu une personne qui conduisait mal. Tu me dis, ah bon, quelle nationalité? Ben, je peux dire, c'est un noir, je ne sais pas quelle nationalité. Et les gens vont dire, ah, vous êtes raciste. Non, pas raciste, c'est un noir. C'est pas raciste parce que c'est un noir qui conduit une automobile. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que pour ne pas être raciste, on finit par l'être à un point tel que quand c'est un noir qui fait une bévue, on n'a rien vu, parce que sans ça, on va être raciste, et puis on finit par se punir plus nous autres que ce serait que l'extérieur. Alors, je tire la pipe à Charles, il me la tire souvent aussi, on peut très bien parler des Français, alors que Maurice est Français, puis que celui qui m'a aidé le plus, celui qui réincarnait Michel de Notre-Dame, est totalement Français aussi. On s'amuse, on rit des Québécois, on rit, si je parle de Richard Glenn de temps en temps, c'est un personnage qui, et il y a des personnes qui ont des avis partagés sur lui, mais c'est grâce à lui que l'intelligence supramentale, que la conscientisation s'est implantée au Québec. Certains vont dire, voyons donc, il ne comprend rien de ça. Il comprend plus que les gens peuvent penser, il comprend effectivement pas toute l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il comprend ce que lui a à comprendre. Mais c'est lui qui a permis l'instauration, tu sais, il a planté une graine dans le sol, et puis il y a un arbre, une colonne vertébrale qui a poussé. Un haricot géant. C'est ça, c'était chercher des géants en haut. Et c'est autour de cet arbre-là qu'a été structurée toute la conscience ésotérique du Québec. Et en partie, ça s'étend en Europe, ça s'étend aux États-Unis, ça s'étend partout sur la planète. Et c'est grâce à lui que la majorité des grandes gueules du Québec ont été connues. Et il a joué un rôle, et il joue encore un rôle fondamental. Et quand on en parle en s'amusant, c'est réellement plus amicalement. C'est comme ça. Bon, de temps en temps, on va pousser des farces sur les hommes. Tout le monde rit. Si on en pousse une sur les femmes, on est sexiste. Ça vient encore notre fausse pudeur à un moment donné. Où il y a certaines choses, touche pas, parce qu'ils vont penser que. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'on ne verra plus les Noirs. On ne verra plus personne. Parce qu'on ne veut pas être raciste. Un raciste en maudit. Un Noir tombe à terre, t'as rien vu. Les Noirs n'existaient pas, c'est quelque chose qui ne dérange pas. Mais à un moment donné, on doit apprendre à rire de soi, quelle que soit notre nationalité, notre race, notre sexe ou la couleur de notre peau. Parce que c'est dangereux, sans cela. Alors, tout à l'heure, je disais, bon, j'ai été folle dans un paquet de vie, une fois folle. C'est rien dit de plus. Effectivement, quand j'étais folle en maudit. Ça veut pas dire que quand j'étais fou, j'étais pas fou en maudit. Mais regardez ceci. Maudit dit bœuf. Maudite vache. Vous savez comment, quand on parle de la femme, comment ça punch plus? Pourtant, c'est la même chose. Je comprends l'idée, mais on en parle de temps en temps pour faire éclater des petites bulles de l'imitation quelque part. On doit apprendre à s'amuser, à rire. Il n'y a pas de... Il y a une forme d'éducation en dessous où on s'amuse en même temps, puis on peut effectivement se plaire de ces choses-là. Bon, alors je vais, à un moment donné, j'ai fait des farces sur les extraterrestres, mais je n'ai rien contre les extraterrestres. On en fait sur moi, je n'ai rien contre moi. Lui en fait sur moi. Bon, peut-être quelque chose qu'on croit, on ne sait pas. Bon. Mais on doit apprendre à s'amuser, puis on doit apprendre à être plus libre en face de certaines choses. C'est important qu'on comprenne l'idée, parce qu'à un moment donné, il va arriver qu'on va éliminer tellement, tellement. Vous savez, je me suis déjà conscientisé avec des individus où on a éliminé la majorité de tout ce qui semblait être coloratif d'une vision. Il n'y a plus rien de drôle. Et on a recommencé à un moment donné à faire des farces, puis c'est des farces qui ne sont pas correctes. On s'en est rendu compte. Puis là, on s'est dit, écoute, d'avoir une façon de s'amuser, de parler, de rire, sans démolir ou attaquer. Puis, oui, il y en a. Et puis, à un moment donné, les gens vont dire, bon, ben, on se tire la pipe, mais on ne fume pas, on ne se tire pas la pipe. Bon, lui, il me tire les cheveux, moi, je tire la moustache. Hein, lui, il me tire les cheveux, j'achève, là. C'est la moustache, j'ai réglé ça, je vais l'enlever. Bon. Et on s'amuse. Puis c'est très plaisant, puis ça permet de digérer plus de choses. Puis la conscientisation est très amusante. Ceux qui ont connu le Nazaréen, là, vous feriez vous rappeler qu'il faisait en face de plein de farces. Le rire, c'est une forme d'énergie. Il en a fait une bonne, il a laissé toute la gang là. Et que c'est le cas. Ça a été sa meilleure. Ouais. Le clou du spectacle. Oui, mais on a une vision de quoi, du Nazaréen? Un gars plate avec tout vous, puis ah oui, je vous aime, blingue. Mais oui, non, quand l'autre est allé le voir, comment il s'appelle, pas Belzébuth, mais Barabbas, qui lui dit, écoute, c'est toi qui dois être le chef des élotes, t'es le meilleur, t'es. Lui, il dit, tu devrais aimer tes ennemis comme toi-même. C'était pas une farce à l'époque, dire ça au gars qui vient le voir, te dit, écoute, prends arme avec nous autres. Puis là, quand on en parle, c'est toujours schnick flock. Voyons donc, c'est un gars, c'est un bon vivant. La preuve, il a même fait une colère dans un temple. Tout courageux, tout cassé. On en parle qu'une fois de ça. On a une idée très, très, très, très figée de ce que c'est qu'un être humain qui est ascensionnel. Il faut se plaire et s'amuser, puis c'est correct. Ça, c'est pour que je puisse continuer à rire de Charles. C'est ça. Daniel, il y a 2 semaines, j'ai posé 2 questions. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ayant étudié du A.A. Bailey, Doctrine secrète 1515 Maoko, hein, conférence, je savais que karmiquement j'aurais des problèmes. Depuis le début du PMC1, j'ai des problèmes. Je sais que je dois anégoïser mieux que cela. Il y a une phase anégoïque similaire au Christ, c'est dangereux. Est-ce accessible à mon stade? Sinon, qu'est-ce qui peut m'aider? Okay. Il y a un des livres de A.A. Bailey, oui. Que la personne devrait lire, je ne sais pas lequel, elle fouille. Ça lui permettrait de comprendre certaines choses. Si elle ne l'a pas, ben peut-être je vais le dire, tant qu'à y être. De l'intellect à l'intuition, très intéressant. Et les autres, ce sont des livres écrits pour rien. C'est des livres écrits pour descendre de l'énergie dans la matière, mais pas nécessairement pour être lus, pour être compris. De l'intellect à l'intuition, c'est différent. Il y aurait ça, et puis la personne, elle pose la question, donc elle est capable de supporter, puis elle doit continuer à faire ce qu'elle fait, c'est pas mauvais. C'est sûr que plus il y en a qui vont passer, plus ça va être facile, et puis il y en a qui passent, là, ce qui fait que ça va faciliter un peu son travail. Je veux continuer les PMC, faire partie du groupe des chefs, contribuer à OFSA. Daniel tranche avec la dureté d'Excalibur. Non, la personne là, se demande si elle peut... masochiste. Bon. C'est la personne qui a retourné lire un peu dans AA. Hein, c'est une personne un petit peu au début. Puis, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. On ne doit pas vouloir pour l'instant. Mais quand on a de la misère à pouvoir, ça ne vaut pas la peine de vouloir parce qu'on va en souffrir. On va vouloir plein de choses qu'on ne peut pas. C'est pas... Non, on ne doit pas vouloir faire partie de quoi que ce soit, étape par étape, d'accord. Mais j'ai déjà expliqué que souvent on vise un but, mais le but il est là uniquement pour nous attirer dans un chemin. Quand on est rendu à un certain niveau, on voit un autre but, et là on doit être capable de tourner pour changer de chemin. L'objectif qui est là ne nous appartenait pas, était là uniquement comme une balise. Une personne qui spirituellement s'accroche à la balise, ben, à un moment donné, elle voit qu'il y a un autre chemin, mais elle se dit c'est là que je veux aller. C'est pas là, c'est là que tu veux aller, mais c'est pas là que tu devais aller. Bon, faire partie du groupe des chefs, ou etc., c'est une chose qui est intéressante. C'est pas donné tout le monde. Pas parce que tout le monde n'est pas prêt. C'est parce qu'il faut d'autres mondes ailleurs aussi, à un moment donné, faire d'autres choses. Peut-être qu'elle va en faire partie, peut-être pas. Ce que je veux bien que la personne comprenne, c'est qu'elle commence par retourner dans de l'intuition à l'intellect, de l'intellect à l'intuition, et puis qu'elle poursuive ce qu'elle fait, puis qu'elle continue à faire ce qu'elle fait jusqu'à temps qu'elle finisse par être un peu mieux avec elle-même. Et puis, il y a bien des choses qui vont s'éclairer tout seul, sans Daniel Kemp, puis sans Excalibur. De toute façon, je l'ai cassé, Excalibur. Je suis témoin. Dans quel état se trouve-t-on lorsque les deux hémisphères du cerveau sont synchronisés? On se trouve dans un état d'isométrie mentale. Ça ne s'explique pas. Dans quel état se trouve-t-on lorsqu'on a des endorphines plein le cerveau? Prenez de la morphine, droguez-vous énormément. La morphine, elle force la sécrétion d'endorphines. Il y a d'autres drogues qui font la même chose. Et puis vous connaîtrez l'état. Un état nirvanique, ça ne vous dit rien, hein? Bon. Un état paradisiaque, ça ne vous dit rien non plus? Bon. Quand les deux hémisphères sont isométriques, donc ils fonctionnent également, c'est un état qui se vit. Bon, dans quel état sommes-nous lorsqu'on se trouve relaxé? Ben, on n'est pas énervé, mais ça ne dit rien. C'est un état où, premièrement, vous cessez de vous obstiner entre vous, parce qu'il y a toujours un cerveau qui est plus infantile que l'autre. Tiens, je vais y aller, ah, tiens, vas-y pas, ah, ben j'ai non, puis bon, ça s'obstine tout le temps un peu. Alors, à un moment donné, on va créer deux adultes, et non pas un enfant et un adulte. Normalement, le cerveau gauche est adulte, le cerveau droit est enfant, dans la majorité des cas. Et c'est pour ça que si on écrit de la main gauche, souvent, si on est droitier, on écrit comme un enfant qui commence à écrire, puis de la main droite, on peut y aller un peu plus. Je ne dis pas qu'on écrit mieux, mais on voit que c'est plus formé. Alors, quand les deux cerveaux sont, les deux hémisphères sont isomètres, l'individu n'a pas doublé sa capacité d'être ce qu'il est, il a probablement quadruplé. Dans quel état on est? Il y a un état d'homogénéité physique qui est évidente. Il y a un état d'homogénéité mentale qui est évident. Il y a une fusion complète de l'ego, donc il n'y a même plus de perturbation, il n'y a plus d'obstination qui chicane dans l'ego. Il y a une capacité de logifération qui est extraordinairement élevée. On pourrait parler par exemple de Sherlock Holmes, pour ceux qui ont commis des délits et qui se sont fait pincer par lui. Il avait une capacité de déduction, d'analyse, d'observation sans problématique, parce qu'il avait un cerveau qui était relativement isomètre. Puis parce qu'il y avait Watson. Ouais, ça, c'est un film que tu as vu, toi, là. Là. Bon, c'est une chose. Et puis, on pourrait dire, vous pourrez aussi... c'était pratique à l'époque de Saint-Germain, aujourd'hui un peu moins, parce que lui, quand il écrivait une lettre, il pouvait l'écrire avec deux mains, et deux lettres étaient identiques. Mais moi, je prends une photocopieuse, tu sais, en tout cas. Mais ça permet de faire des choses intéressantes. Au niveau de l'humain, l'humain est quatre fois minimum, quatre fois supérieur à ce qu'il est dans l'état de départ. Si l'homme est multidimensionnel, cela veut dire que j'ai plusieurs moi, personnalité et corps. Oui, maintenant, il faut bien comprendre. Vous avez le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental, le corps bouddhique, le corps divin. Ça, c'est encore? Non. Bon. Et puis, au niveau des corps, plusieurs moi, oui, parce qu'on a souvent vu que l'ego était constitué de plusieurs facettes préincarnationnelles, en plus des facettes expérientielles. Alors, quand vous êtes jeune, vous expérimentez la peur, il y a une partie qui devient constituée de la peur, il y a un moi qui aura peur. Vous expérimentez le plaisir, il y a une partie qui va être constituée d'un moi qui va rechercher le plaisir. Vous rencontrez un homme ou une femme à un moment donné, vous l'expérimentez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être une plus courte, en tout cas, disons. Et puis, vous allez avoir un moi constitué de la présence de l'autre. Donc, ça fait un ego qui est constitué d'un paquet de moi. Lui, il dit, c'est moi, que c'est toi, tu sais, bon. Mais quand même. Alors, effectivement, la personne est constituée de plusieurs ailes, de plusieurs corps. Mais on doit faire attention, on n'est pas constitué de plusieurs esprits. Par contre, on aura une conscience esprétique qui commence à s'installer chez l'humain. On a une conscience astrale constituée des plusieurs moi, des mémoires, dans laquelle va se vivre l'émotion, les désirs, ces choses-là. Continue. Si je me rends compte dans le futur, devrais-je mourir physiquement pour me fusionner, ou lui devra-t-il mourir pour se fusionner à moi? Bon, si l'un des deux meurt, il n'y aura pas de fusion. Les êtres doivent être vivants. Dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Aux États-Unis, il y a plusieurs contacts extraterrestres qui se nomment Zeta Reticulien, Pléiadien, ou faisant partie de la Confédération intergalactique, qui annoncent une évacuation massive d'humains. Sont-ils des kidnappeurs ou des sauveurs? Voilà, ce sont des kidnappeurs. Comment annoncer? C'est vrai ce qui arrive là. Il y a énormément de pillages de génétique. Ici, on parle des Pléiades, on parle donc de certaines constellations particulières. D'où viendraient ces phénomènes? Et il y a beaucoup de phénomènes qui sont éolimiques. On a beaucoup qui sont yaviques. On a, quand on parle des Elohim, par exemple, qui viennent chercher une cellule chez l'humain, on sait qu'ils piquent des génétiques pour reconstruire des corps sur d'autres planètes. Et leur rôle cosmique a toujours été d'engendrer des échanges génétiques. Alors aujourd'hui, ils reviennent faire la même chose. Ils l'ont fait en Lémurie il y a bien longtemps. Puis en Atlantide aussi, avec Noé et un paquet d'autres personnages. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que présentement, si on annonce qu'on va faire une évacuation, savez-vous la quantité d'individus qui va se pointer là? Enfin, fiez-vous aux humains. Il va y avoir un débordement massif. Et ça, c'est une chose qui est très, très intéressante aussi, à un moment donné, c'est qu'il va y avoir... Il y a même des annonces aux États-Unis partout sur le bord de la mer, c'est marqué « route d'évacuation, route d'évacuation ». Mais il y en a eu ici, à un moment donné. Êtes-vous prêts à les rencontrer? Bon, des gros panneaux. Ce qu'on doit comprendre à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un truc qu'on doit retenir. C'est que les choses vont arriver comme l'humain ne s'y en attend pas. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont à changer. Dernièrement, je disais des séminaristes, vous voulez évoluer, tout ce que le Nazaréen vous a dit de faire pour les autres, faites-le pour vous. C'est la clé. Aimez-vous vous-même. Êtes déjà bon. Pardonnez à autrui comme vous aimeriez qu'on vous pardonne, c'est faux. Pardonnez-vous à vous, vous allez voir. Autrui va devoir nécessairement pardonner. Vous vous aimez nécessairement, vous allez être capable de les aimer, c'est réglé. Et il y a plusieurs choses comme ça. Bon, faites les premiers pas, le ciel vous aidera, c'est encore l'inverse. Faites les pas et le ciel fera les derniers. Faut faire tous les pas complets. Le ciel va faire c'est la fin. C'est pas les premiers pas qu'on doit faire, lui va faire les derniers, tout petit peu. Et il y a énormément de trucs dans le genre Ou je disais dernièrement, les élus, ceux qui ont un sceau dans le front, c'est ceux qui ont une âme pure. Les seuls qui n'auront pas de sceau, les seuls qui n'auront pas de marque, ce sera des élus. Alors que l'humain cherche à se marquer. On parle toujours au niveau de la conscience. On dit, bon, à un moment donné, ici, il y a des annonces. On va dire, ben oui, on passe avec un haut-parleur, on dit, tout le monde, rendez-vous à Sherbrooke. Ils sont tous à Sherbrooke. Là, tu t'en vas à Mont-Laurier, tu ramasses ceux que tu as sauvés. Tu as eu la paix, tu sais, ils sont tous descendus à Sherbrooke, c'est ceux que tu ne voulais pas avoir. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'arrivera pas comme les égaux humains s'y en attendent. Ça sera spontané, instantané, estritique. Il n'y aura pas de grandes pages dans la presse d'un journal de Montréal pour dire que ça va se passer de telle façon. Non, c'est ça. Alors, c'est pourquoi l'humain, quand les gens peuvent poser des questions des fois, bon, ben, ça va être quelle date, ça va être où? Je le dis souvent, ça va être le 24 novembre 1993, puis j'ai déjà donné les coordonnées exactes, tu sais. Puis il y a plein de monde, on se ramassait là, puis c'était une farce que je faisais, mais moi, tu sais, c'est pas bon. Ça se fait spontanément et instantanément. Surtout qu'imaginez bien que vous êtes une personne intéressante, puis vous n'avez pas su capter ce cassé au bon moment, parce qu'il y avait du parlementaire, tu sais, puis c'était cassé, bon. Et puis, là, vous êtes à Montréal. Alors, Dieu, des archanges, je me suis coupé, voilà quoi. Bon, tu sais, ça vous cherche un coin de Mont-Laurier, par exemple. Ben oui, mais que vous soyez n'importe où, hein, on va aller vous ramasser. Alors, l'humain n'a pas à se faire s'en faire un paquet. C'est un endroit au niveau de l'attitude. C'est un endroit au niveau de la conscience. C'est pas un endroit physique. Et l'humain se cherche un endroit physique pour faire une correspondance, pour qu'il puisse arriver à comprendre au niveau d'ego. Mais c'est pas un endroit physique, c'est un état. C'est pas un état, mais pas dans les États-Unis. C'est ça, pas américain. Qu'avez-vous à dire du livre « Entre deux vies » écrit par deux psychiatres? Quels que soient les livres, surtout écrits par des psychiatres, parce que le plus connu écrit par un psychiatre, c'est la cosmogonie d'Urantia. Vous devez lire, et vous devez vous faire une opinion. Si je vous compte ce que j'ai à dire là-dessus, ça va fausser vos capacités de scrutage. Et ce n'est pas mon rôle. Donc, si on aurait une question particulière sur un sujet où on peut éclaircir des choses, ça va. Vous me demanderiez que pensez-vous d'une telle personne ou encore d'un livre ou d'une association, d'un groupement. Ce sera toujours la même chose. C'est bien bon. Puis ça s'adresse exactement à ceux qui ont besoin d'en avoir besoin. Bon. C'est la même chose pour le livre-là. C'est à vous de décider si ça vous va ou ça ne vous va pas. Il n'y a aucun livre qui est mauvais, c'est le cas. Qui peut être bon, qui peut être mauvais ou qui peut être nul. Explique pourquoi la glande pinéale et pituitaire sont plus perceptibles depuis le début de l'étude du PMC1. Ben, parce que la majorité des travaux PMC se font au niveau de la tête. Si on parle de Menfi, qui est le mental qui contrôle le physique, ben nécessairement pour que le mental s'épanouisse, il faut absolument que la glande pinéale commence à se réveiller. Elle est sécrète des hormones qui vont venir lentement sortir la glande pituitaire, donc l'hypophyse, pour permettre au mental de prendre progressivement le contrôle du système endocrinien. On prend PMC1, évidemment, mais c'est des mécaniques qui sont typiques. L'isométrie va permettre la même chose, la technique Canvi la même chose, ce qui fait que finalement, c'est tout à fait logique que ça fonctionne. Ces deux glandes, ben, la glande, l'hypophyse est la chef d'orchestre de tout le système endocrinien, qui est le système qui décide si on est malade ou si on ne l'est pas, si on vieillit ou si on ne vieillit pas, si on est colérique ou si on ne l'est pas, ou etc. Et la glande l'hypophyse, donc la glande pinéale, c'est celle qui fonctionne beaucoup chez les jeunes, chez les enfants, et qui les empêche d'être sexués, qui fait que l'énergie sexuelle ou l'énergie vitale se dirige presque totalement vers le centre laryngé et le cerveau, permet l'émancipation jusqu'à l'adolescence, où là, la glande commence à travailler beaucoup moins. Et là, on aura l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc, dans une mécanique d'évolution, comme le programme être contrôleur, c'est logique. Certains, ça va être en PMC3, ça va commencer à se faire sentir un peu plus. D'autres, ça va déjà commencer un cheminement. D'autres ont une génétique qui les amène à ça. Mais c'est tout à fait, c'est prévu, c'est prévisible qu'à un moment donné, la glande pinéale et pituitaire travaillent différemment et que la pinéale se réveille un peu plus. Pourquoi une réactivation prononcée des sept chakras principaux depuis le début du Manco? Dépendamment des personnes encore, simplement, c'est que deux choses. Est-ce que la personne perçoit plus? Donc, il n'y a pas eu de réactivation particulière. Et dans plusieurs cas aussi, si l'énergie circulait vraiment mal et que la personne travaille convenablement les ou certaines techniques, ben c'est normal que les centres d'énergie vont recommencer à bouillonner dans le but de replacer un paquet de choses, puis la sensation va disparaître progressivement. Une personne réincarne Arthur Pendragon. Elle rencontre d'autres personnes qui, eux, réincarnent Lancelot, Perceval et compagnie. Ça va bien et les amitiés se renouent. Or, parmi ce que je connais de la vie d'Arthur, il y a d'autres personnages, tels Morgane, Mordred, dont les relations avec Arthur comportaient des problématiques. Ces derniers personnages peuvent aussi se réincarner aujourd'hui. Se peut-il qu'entre-temps, Arthur se soit réconcilié avec Mordred? Page 3, c'est ça. Se peut-il qu'entre-temps, il y a une autre question, mais qu'entre-temps, Arthur se soit réconcilié avec Mordred? Premièrement, de savoir que tout est possible. Si oui, peuvent-ils avoir des rapports de meilleure qualité? Sinon, explique l'attitude d'Arthur à la naissance de Mordred. Oui. Donc oui, il peut avoir des rapports de meilleure qualité. Donc je pourrais expliquer le sinon, vu que c'est si oui. Ouais, d'ailleurs, ça m'étonnerait que Mordred renaisse comme il était. Oui, Mordred, présentement, c'est une entité qui est une réincarnation circulaire. Elle réincarne un individu pour venir créer de l'ambiguïté dans le groupe des chevaliers qui se sont réincarnés et retrouvés. Mordred peut apparaître chez une femme et chez un homme. Et quand le groupe réincarné de la chevalerie le découvre, Mordred disparaît tranquillement. Et à un moment donné, il va réapparaître ailleurs pour jouer le même rôle. Alors, dans ce que tu dis, c'est vrai. Morgane, elle est déjà réincarnée, mais Morgane était plus qu'une femme. Donc, ça avait que c'est une histoire assez complexe. Morgane, elle, si c'était du côté de la table ronde, quelqu'un la réveillait un matin, elle était servante, enfin, elle était correcte. Si c'était un sorcier, entre autres, qui allait la réveiller, ben là, elle travaillait contre Merlin puis contre les autres. Morgane a été divisée en deux pendant un grand laps de temps. Ça a été carrément deux femmes dans deux corps aussi. À un moment donné, même trois corps. Alors, il y a un paquet de phénomènes comme ça qui sont assez intéressants pour ceux qui aiment les choses compliquées. Compliqué. Depuis plusieurs mois et années, des épreuves se succèdent, me donnant l'impression d'être un punching bag sur lequel on frappe. Un sac de sable. C'est moi qui ai écrit ça. Sur lequel on frappe et refrappe sans répit pour récupérer. Je voulais dire de quoi, mais je disais pas non plus. Depuis un an, j'ai mis beaucoup d'énergie dans la réalisation d'un projet de séjour à temps partiel à la campagne. Il faut prendre des séjours à temps plein, c'est pour ça que ça marche pas. À la campagne, et alors que cette activité se stabilise, tout est remis en question suite à deux cambriolages successifs. C'est comme si on m'avait donné une volée psychologique et émotive. Les jours suivants, je me suis senti comme si j'avais réellement été tabassé physiquement. Que s'est-il passé? Comment décoder si on essaie de me manipuler à abandonner un projet intelligent et utile ou si je dois abandonner ce projet? Quelle est la mécanique de ce transfert de sensations du psychologique au physique? Bon, la psychosomatose, le transfert psychologique vers le physique, c'est simplement logique. C'est que dans la... il faut que je simplifie un petit peu, mais disons simplement qu'au niveau psychologique, tout est exprimé au niveau du système endocrinien par la glande et l'hypophyse. Alors, quand il se passe de quoi au niveau de l'âme, c'est progressivement répercuté au niveau des neurones, c'est répercuté au niveau de la glande hypophyse. Elle dirige le système endocrinien. Et comme tout à l'heure, je vous disais, c'est le système endocrinien qui va déterminer votre état physique. Alors, il peut, par exemple, s'arranger pour que l'acide lactique ne soit pas éliminé au niveau de vos muscles, qui fait que vous allez avoir l'impression d'être totalement courbaturé. Il peut s'arranger pour créer des tachycardies, des accélérations cardiaques, des transpirations, des problèmes digestifs, des problèmes articulaires, des problèmes neuroniques, des problèmes oculaires, des problèmes... tous les genres de problèmes. Donc, les psychosomatoses s'expriment facilement comme ça. Maintenant, la personne ici, elle a vécu donc des choses qui sont assez typique de ce qui se vit sur la planète Terre. Bon, c'est assez typique. C'est pour ça que souvent on recherche les dieux qui sont supposés aimer et protéger l'humain. Depuis plusieurs mois et années, bon, des épreuves se succèdent, me donnant l'impression d'être un sac de sable sur lequel on frappe. Ah ben c'est écrit sac de sable, tu lis mal. Sur lequel on frappe et refrappe sans répit pour récupérer. Depuis un an, j'ai mis beaucoup d'énergie. Il faut faire attention encore, j'expliquais tout le temps. C'est que l'être humain est un pissenlit. Et puis, l'être humain n'a pas la vision de ce qu'il est. L'être humain, c'est un pissenlit toute sa vie. Et puis, au couche comme avec la canne, c'est pas dans le livre, mais c'est un pissenlit. Et l'être humain n'a pas la vision de... L'être humain doit finir par développer chez lui une vision plus globale de ce qu'il est. Moi, je disais souvent qu'on doit envisager sa vie ou sa conscientisation sur 500 ans. Pas sur 75 ou 20 ou 85 années. Alors, à un moment donné, j'étais avec un de mes amis, puis on jasait comme ça, on faisait les grands sages, et puis je lui montre un petit bout d'herbe avec une petite tête verte là-dessus, puis je lui demande « c'est quoi ça? » Alors, il me dit « ça, c'est un pissenlit. » Je dis « ah, parfait. » Là, je lui montre à un moment donné un autre tige avec une fleur jaune. « C'est quoi ça? » « Ah, c'est un pissenlit. » Ah! Alors là, je lui montre à un moment donné un autre tige avec une grosse boule blanche. « C'est quoi ça? » « Ah, c'est un pissenlit. » Pour ça, j'ai mis un petit coton tout nu, il n'y a rien dessus. Parle pas de moi, OK? Bon. Et puis, c'est ça, puis ça, lui. T'es rendu dans une phase d'évolution pour moi d'avancer. C'est ça, pour moi t'aimes d'avancer. Et puis là, ben, je lui demande, écoute, c'est quoi un pissenlit? Ben, c'est tout ça. Et l'humain, c'est quoi l'humain? Ben, c'est ça, c'est un pissenlit, l'humain. Sauf que nous autres, on se voit, je suis un adulte. Je suis un vieillard. Je suis un enfant. J'étais un ci, j'étais un ça, j'étais un ça. Et tout ça au complet, c'est l'humain. Et on ne peut pas comprendre ce qui arrive à un être humain si on ne regarde que le bouton fleuri. Parce qu'on ne comprendra pas le karma qui sous-tend les fleurs par rapport à ce qui était avant, par rapport à ce qui s'est passé avant, puis etc., etc. S'il est rendu avec une tête blanche, donc dans sa vie relativement avancée, si on regarde que ça, on ne comprend pas l'idée non plus. On doit faire attention, donc, depuis un an, j'ai mis beaucoup d'énergie, ça veut dire que la personne, elle a décidé qu'elle réaliserait quelque chose, et si son chemin n'est pas là, elle ne réussira pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais je reviens encore à l'explication que je donnais tout à l'heure. Ça, c'est la lampe, moi je me dis, je veux rejoindre la lampe. Je mets beaucoup d'énergie pour y aller, puis à un moment donné, j'arrive à une bifurcation, à une jonction où je devrais changer de cap. Mais moi, je mets beaucoup d'énergie pour y aller. Si je suis le moindrement intéressant énergétiquement et que j'ai à changer de cap, je ne parviendrai jamais là. Mais j'aurai des maudits problèmes. Puis tant que je vais m'obstiner à aller là où je n'ai pas à aller, je ferai tout ce qu'il faut. J'y parviendrai pas. Alors l'humain va commencer à souffrir, avoir des problèmes, avoir des leçons, avoir des messages, avoir des etc. Ça, la personne elle comprend l'idée. La problématique qu'elle veut poser, c'est comment savoir si je dois changer ou si c'est une mécanique pour me manipuler à changer. Encore une fois, c'est tellement... Bon, ce que je dis là est un peu ce que les prêtres ont déjà dit, puis ça n'a jamais servi à rien. On ne doit pas trop centrer que l'on veut faire en fonction d'une mécanique de recherche pour aboutir à quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas bâtir sa vie sur l'idée qu'on devrait se créer un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire que, par exemple, dans 5 ans temporels, j'aurai un chalet en campagne. C'est spatial, ça. On ne doit pas bâtir sa vie là-dessus. Que ce soit, je prends ma retraite à 35 ans, alors que tu en as 32, 33 ou 27, on doit travailler beaucoup plus sur ce que nous sommes à l'intérieur de nous pour parvenir à être totalement centré chez nous, et on n'aura pas besoin des outils qu'on pensait essentiels pour parvenir à se centrer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, écoute, quand j'aurai bâti mon paradis, là je pourrai m'asseoir, puis enfin je pourrai commencer à me conscientiser. ça ne créera pas de conscientisation. La paix totale chez un humain non conscientisé crée l'ennui. Ça ne crée pas la conscientisation. C'est l'humain conscientisé crée la paix totale et ça crée l'ascension, donc la fusion. Mais l'humain, ce qu'il doit faire, ce qui en revient tout à l'heure à une question ou à une chose que j'ai dite, c'est que la personne devrait beaucoup plus travailler pour être bien avec elle-même dans n'importe quelle situation de la vie, et elle aurait sa réponse. Suis-je manipulé, suis-je ceci, suis-je cela, on n'a rien à foutre. Dès l'instant où l'individu est suffisamment centré chez lui, il sait tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, donc est en contact avec l'intelligence supramentale, donc avec son esprit. Plutôt que de travailler pour bâtir un cadre particulier où on voudra aller, c'est correct, c'est intéressant ce que la personne elle veut faire, elle a mis beaucoup d'énergie. L'énergie qu'elle a mis là, ça l'aurait centré sur elle, elle n'aurait pas ces problèmes-là. Elle aurait peut-être déjà sa campagne, elle ne l'aurait peut-être pas, mais elle n'en aurait plus besoin. C'est évident que pour une personne, et moi j'en sais quelque chose, j'ai déjà travaillé énormément aussi pour plusieurs choses, les prophéties personnelles m'avaient dit que je ne réussirais pas. Travailler en maudit pour que ça fonctionne, les prophéties, pas ce que j'ai fait. Bon, alors à 19 ans, 20 ans, je me serais fait dire, écoute, tu as peut-être passé ton temps à travailler pour une lubie qui n'était plus nécessaire. J'aurais peut-être pas accepté l'idée de l'autre. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en sais, toi, là? Tu fais rien, c'est pas toi qui as fait l'affaire. Mais c'est ça. Assez qu'à un moment donné, je suis fier, quelques années après, que ça n'allait pas continuer. Mais croyez-moi, j'aurais été fier que ça continue aussi, tu sais. Ça dérange plus, pourquoi? Parce que finalement, quand tu arrives à être bien avec toi, tu charries ton monde avec toi. Bon, alors, la ville, la campagne... Surtout que l'être humain qui est centré sur lui, tout ce qu'il a besoin, intelligemment, écologiquement, va se pointer au bon moment. Puis le bon moment, c'est pas après 2-3 ans d'attente, de croyance, d'espérance, de souffrance. Tu sais comment ça rime tout, hein, ces affaires-là? Ouais. Eh oui, hein? Tant d'hortense. Ah oui, même elle aussi, je l'avais pas. En tout cas. Mais à un moment donné, on arrive simplement, si on se centre chez soi. Fait que la personne, ce qu'elle a à faire, c'est commencer par cesser, faire la paix avec elle-même. Puis elle va finir par éliminer des trucs. Parce qu'effectivement, on peut la charrier pour qu'elle cesse de faire quelque chose qui serait intelligent, mais on peut aussi lui donner des coups pour qu'à un moment donné, elle finisse par cesser de placer de l'énergie continuellement vers l'extérieur, même si elle pense en placer vers l'intérieur par la dynamique que va créer l'espoir de l'aboutissement de son projet, puis aussi qu'elle commence à en mettre à l'intérieur d'elle. Parce que si elle est totalement désemparée, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur qui manque. Bon, il lui manque des choses, sans tabasser physiquement, bon, voler psychologiquement et émotivement. Les jours suivants, je me suis senti comme si j'avais réellement été tabassé, etc. Alors, cette dame-là, elle doit s'arranger commencer à travailler, à bâtir un peu plus chez elle. Elle va finir par avoir une stabilité, puis on ne pourra plus l'agresser comme on fait là. Moi, par rapport à l'acharnement, comme ça, j'ai servi de sac de sable aussi un bout de temps. Puis, ça paraît, hein? Encore des rides. Mais on dirait qu'à un moment donné, si on arrête de s'acharner, puis moi, dans l'exemple, comme je le voyais, c'est qu'on essaye d'ouvrir une porte, puis toujours barrer, puis à un moment donné, on s'assoit, là, puis on dit « OK, j'arrête ». Puis tu t'assois à terre, puis si tu as trouvé, il y a une clé qui est là, au debout de la porte, ou... comme abandonner une forme de... Mais ce qui est arrivé souvent, si on prend l'exemple de la porte, ce qui est arrivé souvent, effectivement, c'est que la personne avait absolument arrivé à la porte, son projet, son salut, son million de dollars, sa famille, tu sais, le but qu'on se donne. Elle arrive à une vitesse folle, elle rentre dans la porte, paf, elle dit, yeah, trouvez la porte, puis elle sort sa clé, souvent, les gens ont la clé. Puis là, elle commence, patripote. C'est que la porte est ouverte, tu sais, l'entrée est là. Elle est dans la porte, elle ouvre la porte, elle n'ouvrira jamais la porte, elle a beau essayer. À un moment donné, c'est relax, écrase, repose-toi, retire-toi, puis attends, tu vas voir différemment. Là, tu vas dire, ah ben, maudit. Là, tu passes. Souvent, la personne, les gens sont trop pressés, puis quand, à un moment donné, c'est le temps là, qui commence à arrêter, à relaxer. Ou encore, tu as couru jusqu'à l'océan pour aller te baigner, puis rendu là, tu as des crampes. je comprends plus rien. Écoute, lâche pas là, tu vas te courir un mille, relax. Reprends tes énergies, tu finiras ton projet. Ou tu bifurqueras, mais tu le sauras. Parce que souvent, puis moi je me le suis dit assez souvent quand j'étais jeune, ouais, mais le temps passe. Le temps passe pour nous, pas pour nos foutus projets. Ils sont jamais graves, c'est pas grave, ils sont jamais assez importants nos projets pour que nous on s'oublie là-dedans. Alors souvent, oui, mais écoute, dans 2 ans d'ici, là, les bonnes terres que je voudrais acheter, il n'y aura peut-être plus. Ben, achète-en une, puis fais rien avec, qu'est-ce que tu veux, t'auras jamais d'argent. Tu pourras pas vivre, tu travailles comme un con ou comme une conne pour payer l'hypothèque. Tu n'auras jamais ce qu'il faut pour bâtir, tu n'auras plus d'énergie pour être créatif, mais tu as ta terre. En tout cas, on se centrera dessus. C'est préférable de ne pas avoir de terre, puis de continuer à utopiser, certains diront rêver, d'avoir des amis ou une famille avec lesquels tu peux continuer à jaser parce que tu n'es pas stressé par le « je dois maintenir ce que j'ai commencé ». Puis à un moment donné, faites-vous-en donc pas. Quand vous serez suffisamment centré, vous allez être centré dans le reste de la vie aussi. C'est très facile, très agréable. Je dormais quand soudain je me suis éveillé dans la position... Ça m'arrive régulièrement, moi. Je me réveille toujours quand je dormais. Ouais, c'est vrai, ça m'est jamais arrivé autrement. Quand je dormais, là, soudain que je suis réveillé. Vous savez. Tu sais que j'avais pas remarqué, mais moi aussi. Je dormais. Moi, d'habitude, je me lève, puis je me réveille dans la nuit. Ouais, c'est autre chose, c'est ça. Après 3-4 murs, là, tu te Je me lève à 8 heures, je me réveille vers 11 heures. Je dormais quand soudain, je me suis éveillé, dans la position assise, les yeux ouverts. Ça, c'est pas vrai. Je voyais une pièce sombre, ronde, vide, avec des lignes blanches bizarres sur le plancher. Ça ressemblait à un compartiment à bagages. Je répétais apeuré, où suis-je? Je ne voyais que cette pièce pour constater par la suite être assise dans mon lit. J'ai eu très peur et j'ai dû dormir la lampe allumée. Que s'est-il passé? Où étais-je? Bon, vous avez fait simplement une extra-conscientisation astrale. Très simple. Dans l'argot ésotérique, on dit vous avez fait un voyage astral. C'est plus simple, hein? Plus faux, mais plus simple. La personne, elle est sortie en astral, elle s'est ramassée donc dans une mémoire astrale, et puis elle a vu des choses là. Et parce que son extra-conscientisation, la conscience astrale était suffisamment sortie du corps physique, elle a été capable d'être suffisamment présente dans son voyage, dans son rêve, et automatiquement le corps physique commence à réagir en fonction de l'expérience astrale. Donc la personne a probablement grouillé dans son lit. Elle a vécu des parties qu'elle vivait dans le voyage. Et lorsqu'elle s'est réveillée, une partie de ce qui anime, donc de ce qui fait partie de l'âme, donc de l'astral, est revenue dans le corps physique. Elle s'est réveillée, elle voyait par ses yeux, mais ce que le cerveau continuait à voir, c'était ce qui se passait dans le monde astral. Donc la personne n'étant pas habituée au voyage astro semi-conscient, elle a pensait qu'elle voyait avec ses yeux et elle voyait quelque chose qui n'existe pas chez elle. Alors qu'elle avait les yeux ouverts et son cerveau, sûr d'être branché sur le système oculaire, restait branché sur la corde d'argent, sur le canal réincarnationnel, et elle continuait à voir ce qui était dans l'astral, jusqu'à temps que progressivement, elle finisse à se retrouver chez elle, ce qui fait que lentement, la vision peut disparaître. Bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on en profite pour voir s'il n'y a pas des affaires à ramasser. Visiter. On se rendort, puis il n'y a pas de danger, ce qui s'est passé, c'est simplement ça. Sauf que la personne qui a peur, le seul danger, c'est d'avoir peur quand on fait un voyage astral. Ben, traverser des lignes à haute tension, des explosions nucléaires, des choses comme ça, ça peut créer des petits problèmes. Mais avoir peur, c'est un problème, parce que lorsque l'on a peur, on laisse ce qui est là chez soi prendre de l'ampleur, puis ça peut finir par nous dominer. Et parce que l'humain se croit beau, ce qui est là chez lui, il projette toujours. Alors il va voir apparaître des monstres, des diables, des choses dans le genre, des entités extrêmement noires, ça fait partie de son anti-homme. Et ça prend une ampleur qui peut perturber une partie de l'ego, une partie de l'homme, de la femme, une partie qui est plus blanche. Et ça peut créer des problèmes psychologiques à un moment donné. Bon, dans ce cas-là ici, ça n'arrive pas, c'est pas assez puissant. Mais on ne doit pas avoir peur simplement. On doit simplement... C'est que l'humain n'est pas habitué de vivre, de connaître d'autres mondes. La personne elle aurait été là par un tabarnouche, je prenais mon appareil photo, puis ça aurait disparu tout de suite. C'est farce ou pas farce, on doit vivre la vie, ces expériences-là incluses, toujours en s'amusant un peu. Bon. Alors la personne, elle aurait, au lieu d'avoir peur, où suis-je, je suis ici. Mais c'est où ici? En tout cas, je suis ici, au moins ça, je suis le rock, je suis ici, c'est bon. Puis, tu essaies de visiter, tu essaies de voir, tu te rends compte que tu es assis, tu peux te pincer. La personne s'est peut-être rendue compte au départ qu'elle n'aurait peut-être même pas pu bouger. Mais c'est logique, mais il faut comprendre les mécaniques astrales. Je vois, je suis sûr, je me vois assis, je veux bouger, je ne suis pas capable, ma conscience n'est pas assez revenue. Elle ne peut pas animer mon corps suffisamment. La personne va avoir peur, elle pense qu'elle est possédée, elle pense qu'elle est déconnectée, elle pense qu'elle est infirme. Souvent, on n'enseigne pas assez de choses à l'humain. Alors, on devrait en enseigner un peu plus, puis il n'y a pas de danger, sauf si on a peur, puis maintenant, ben, il n'y a pas peur. La semaine dernière, tu as donné un exemple de musique énergisante que je qualifierais de type yannick. Existe-t-il de la musique énergisante de type yannick? Si oui, donne un exemple. Oui, ça dépend toujours de vos capteurs. Bon, ça dépend des individus. Dans les musiques yanniques, donc de la coloration yan, les musiques solaires, les musiques qui vont dynamiser la partie yan de chaque être humain. Bon, premièrement, il faut une sensibilité assez pour découvrir, par exemple, que dans Karmuna Burana Dorf, il y a autant yannick que yinnick. Mais ce qui prédomine en puissance au départ chez la personne qui n'est pas capable de discerner, c'est le yin. Une musique humide, noire, pas négative, mais obscure, à travers laquelle progressivement va apparaître une puissance yannick phénoménalement puissante. Et la personne peut s'abreuver au yan, au yin ou aux deux. Bon. Ceux qui ont vu le film Excalibur, c'est l'une des musiques qu'on retrouve deux fois à l'intérieur du film. Il y a certains morceaux comme ça qu'on peut écouter qui sont yann. Une musique yannick intéressante, pour donner des exemples seulement, ça va être La Marche du Trône. Ça vous dit rien? Dans le tour... Ah, ben, glorieux, je sais. Oui, je sais. C'est dans la guerre des étoiles. C'est ça. Quand ils viennent chercher l'orbe... Bon, à la fin du film, il y a la princesse est à l'autre bout là-bas, et puis ils s'en vont chercher le médaille, là. On ne sait pas trop ce qu'ils ont caché dedans. Mais là, les chauffeurs, là. C'est ça. Et la marche du trône, elle est yannick. Il y a des musiques comme ça qui sont yannick. C'est un exemple que je vais donner, mais la personne, elle l'a simplement à vérifier. Il y a des façons, évidemment, physiques de vérifier si ce qu'on perçoit est yin ou yang, là, mais c'est long à expliquer. Mais il y a des musiques comme ça qui sont yanniques. Celle-là, elle est totalement yannick. La musique Karmuna Burana, c'est yin et yang. Il y a des chansons yanniques aussi. Absolument. Des Paul McCartney, quelques-uns, en tout cas, des Beatles. La majorité des Roger Whittaker sont yanniques. Et puis... Parce que la puissance de toutes les grégores qui peut être engendrée par Paul McCartney ou par les Beatles ne pouvait pas être diabolique à l'époque. Non. C'est pas moi que la question s'est posée, je pense. Je peux en poser une? Qui est Ashtar qui transmet ses enseignements à travers certains médiums comme tu es là? Est-il du type intra ou extra ou encore vient-il du futur? C'est et tout ce qu'il dit là-dedans est vrai. Ça vient du passé, mais d'un passé qui côtoie très très près l'avenir. Parce que le temps, c'est une illusion, puis donc il y a des courbures là-dedans, etc., et puis ça crée des continuums, puis dans les continuums, on retrouve des créations, puis dans les créations, on retrouve des créatures. Bon, c'est tout ça. Alors, Il y a énormément de personnages qui, des entités, mais des personnages qui ont vécu à l'époque de Merlin, à l'époque du dragon, donc antérieurement à la Lémurie, et qui ont été créés à même les premières formations d'égrégores à travers l'évolution l'évolution plus précisément, des premiers grands personnages qui ont marqué l'évolution humaine. Alors, on connaît des avatars, des guides des premières humanités. Zarathoustra en était un, dans les derniers. Odin en était un. Jésus en était un. Noé. Noé en Atlantide. Donc, on retourne encore un cran plus loin. Noé en était un à cette époque-là. Hiram Abiff en était un, entre Noé et Rama, par exemple. Il y en a plusieurs comme ça qui sont apparus. Alors, si on retourne énormément dans le passé, on retrouve des constitutions. Bon, l'expliquer, c'est. Je vais expliquer comme je peux, le savoir est clair. Des constitutions qui sont plus près de ce que l'humain appelle le dragon. Quand le dragon, c'est. Merlin en parle souvent du dragon, et dans le passé, dans les légendes, on parle souvent des dragons. Le dragon, c'est la force tellurique pure de la Terre. Mais le dragon, c'est autre chose aussi. La première bombe nucléaire que les gens ont fait sauter aux États-Unis, les savants ont dit, on vient de chatouiller la queue du dragon. D'instinct, l'énergie tellurique, le soleil, le dragon. Quand on parle d'Ashtar, on parle, il y a d'autres personnages du même genre, c'est une espèce de conglomérat, d'association, de mécanique extrêmement vieille, extrêmement puissante, mais qui marchait à l'époque comme un bulldozer, rien comme un glacier. Alors, ces mécaniques-là ont tendance à revenir aujourd'hui, pour la simple raison, comme je l'ai expliqué souvent, c'est qu'à chaque fin de cycle, et là on approche de la fin de la sixième, de la cinquième race mère, qui est la race indo-européenne, et nous on est des descendants teutons anglo-saxons de cette race-là, la cinquième sous-race de la race mère, et on va vers la sixième race mère, une race neuve. Le passé a tendance à revenir à travers des enseignements, des réincarnations, des belligérances. Les Indiens, Iroquois, les Mohawks sont réincarnés massivement dans les dernières années, ce qui a ramené une pression au niveau des Mohawks. Il y a un paquet de phénomènes planétaires qui peuvent arriver, d'où la facilité de créer des apocalypses à un moment donné, parce que le passé se réincarne subitement tout en même temps dans des corps. C'est un peu ce qui arrive là au niveau d'entité. L'affirmation suivante est-elle exacte? Si je viens du futur et j'entre en interaction avec mon présent, alors je change la trajectoire de mon évolution pour me donner un futur différent. Dans quel but? Si je viens du futur et j'entre en interaction avec mon présent, alors je change la trajectoire de mon évolution pour me donner un futur différent. Non. Parce que si vous venez du futur différent, vous allez vous donner votre futur à vous. Donc, il n'y a pas. Puis le but, simplement, c'est de forcer ce futur-là à prendre existence en amenant une conscience corporifiée vers cet alignement futural-là. Qui va éliminer le reste, les autres futurs possibles. Dans quel but certains humains doivent-ils devenir transportables et comment? Ça, je n'en parlerai pas ce soir. Je vais revenir là-dessus à un moment donné. C'est trop long. J'en ai parlé dans certaines conférences. C'est trop vaste, trop long encore. On va y revenir dans les prochains mois, après le mois de mars. On va probablement toucher des sujets de cette envergure-là. Quelle est l'explication qu'on fait d'une chose ou... Non, quelle est l'explication lorsqu'on fait une chose et que l'on dit quelque chose et qu'on a l'impression de l'avoir déjà vécu? Bon, ça, j'en ai souvent parlé. La majorité des personnes ont vivre quelque chose, l'oublie immédiatement, presque totalement, et s'en rappelle. Ce qui leur donne l'impression du déjà vu ou du déjà entendu. Alors, j'entends, par exemple, une explosion dehors, un pneu qui éclate, et puis, en même temps que je l'entends, immédiatement, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. Sauf que les personnes ne sont pas capables de prévoir ce qui va arriver. Ils sont uniquement capables de constater qu'ils semblent qu'ils ont déjà vu ou entendu. Alors, ce n'est pas un phénomène de prémonition ou de quoi que ce soit. Quand la personne peut prévoir d'avance l'événement, c'est probablement, et c'est souvent le cas, souvent, elle aura été capable, soit en clairaudience, soit en clairvoyance, d'aller dans l'astral pour lire une extrapolation possible d'un avenir possible et qui était près d'elle. Et puis finalement, elle arrive là, puis elle le voit. Donc, elle peut prévoir d'avance, elle peut dire, « Écoute, je suis venu ici. » Quelqu'un va dire, « T'es sûr? » Oui, parce que regarde, même derrière la tasse, là-bas, là, il y a un morceau de sucre qui traîne. Elle est déjà venue là. La personne va dire, « Je suis déjà venu ici. Je suis sûr que je suis déjà venu ici. » « Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe? »« C'est pas là, on va aller voir. Tu ouvres le garde-robe? »« Oui, j'ai déjà vu ça. » Bon, c'est qu'elle voit, elle oublie et elle revoit. D'où l'impression du déjà-vu, mais tu ne peux pas prévoir. Donc, dépendamment, si elle est capable de jouer avec, de prévoir un peu d'avance, c'est que dans l'astral, elle est déjà allée fouiller, ou l'astral est venu lui amener des informations, ce qui est similaire. Puis si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle oublie et se rappelle immédiatement, donc elle a l'impression du déjà entendu ou du déjà vu, ou du déjà dit. Ou du déjà rencontré aussi, des fois. Elle a déjà vu une chose. D'où viennent les maladies modernes telles que le sida et le cancer? Est-ce que ce sont des maladies psychosomatiques? Bon, j'ai déjà expliqué aussi cela dans une conférence. Le sida, c'est un codifiage génétique qui était placé dans le corps des animaux, dans le corps humain entre autres, par les Élohins. En Lémurie. C'est une bombe à retardement. Le cancer, c'est similairement la même chose. Puis il y a d'autres maladies comme ça qui sont des maladies karmiques qui viennent du passé, qui sont des bombes à retardement. C'est-à-dire que dans le code génétique de l'humain, il y a des mécaniques qui vont faire en sorte que lorsque l'humain va atteindre un certain degré de vibration, ça peut être le stress, ça peut être la conscientisation, ça peut être le bonheur. Et quand on atteint un certain degré de conscientisation ou de stress, donc de vibration, il y a certaines mécaniques génétiques qui sont placées là, qui vont commencer à se mettre en marche. Et se mettant en marche, elles vont engendrer des problématiques au niveau médical, donc le sida. Pendant longtemps, les savants ont dit que probablement que le sida était né dans le corps des singes. Et on se rend compte de plus en plus, on a découvert des codes génétiques sidatiques chez des vestiges humains qui datent du début d'histoire. Alors, le sida existe depuis très, très, très longtemps chez l'humain. Et chez les singes, chez les vestiges des vieux animaux, on n'en trouve pas de traces. C'est une bombe à retardement. Alors, j'ai déjà expliqué qu'il y a des bombes qui existent qui vont exploser si l'avion atteint une certaine altitude. Ça n'explose pas avant. C'est un peu la même chose là ici, ça va exploser, la maladie va apparaître quand l'humain vivra un certain genre de stress où il y aura une conscientisation particulière. Ça va faire en sorte à un moment donné que des codes génétiques qui vont commencer à être opérationnels et ça va créer des maladies. Puisque le soleil est formé d'une masse qui se retient et aussi formé de géantes rouges qui se détacheront et résorbera la masse, donc comment le soleil s'est-il formé et d'où et de quelle galaxie êtes-vous? Alors moi, je suis très local. Moi, je suis très, très local. Là. Bon, le soleil est formé d'une masse qui se retient. Il est aussi formé d'une masse qui ne se retient pas. Bon, il se pète. Alors, on a des rayons caloriques, des rayons infrarouges. On a de temps en temps aussi des perturbations électromagnétiques qu'on appelle des tempêtes solaires, etc. Bon, je peux expliquer, je vais quand même essayer de résumer un peu, parce que pour comprendre la question, la personne ici est lancée peut-être un peu plus sur les phénomènes solaires, pas nécessairement tout le monde. Quand on parle de géant rouge, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que le soleil, c'est de prime abord de l'énergie. Cette énergie, elle est en amour interne, donc elle est égocentrique. Alors, il y a une gravitation extrêmement forte qui oblige toutes les composantes à s'agglomérer. Les composantes, pour s'agglomérer, quand ils se rapprochent trop, elles s'excitent, s'échauffent. S'échauffant, ils vont créer une expansion. Et l'équilibre entre la gravité et l'expansion va permettre à un soleil d'exister. Parce qu'il y a continuellement, à cause de l'énorme pression qui existe dans le Soleil, il y a des atomes d'hydrogène, par exemple, qui vont se fusionner en hélium. Et il va y avoir un immense dégagement d'énergie Le principe des bombes thermonucléaires est basé là-dessus. C'est beaucoup plus puissant qu'une bombe atomique. Et l'énergie qui va être dégagée, c'est l'énergie solaire. C'est ce qu'on va recevoir en tant que lumière, chaleur, etc. Mais à un moment donné, la pression, quand tout l'hydrogène, par exemple, a été brûlé, la pression devient plus grosse parce que les molécules sont plus pesantes, sont plus massives, et on va avoir un écrasement. L'écrasement va accélérer la température interne du Soleil, et on va avoir une expansion. Progressivement, ce qui va arriver, c'est que la chaleur interne va être plus forte que la gravité, et normalement, on va assister au grossissement d'un Soleil, et ça peut aller jusqu'à une explosion totale de la masse solaire. Ça peut arriver aussi à un moment donné où le Soleil ne pourra pas exploser à cause de mécaniques sur lesquelles je vais sauter. Donc, il ne sautera pas, lui. Et progressivement, le Soleil va s'écraser, s'effondrer sur lui-même. Ça va engendrer une étoile constituée surtout de neutrons. Et ça peut donner un trou noir. L'explication de la création des Soleils serait vraiment, vraiment, vraiment trop longue. Ce n'est pas comme les savants en parlent, ce n'est pas des particules qui, à un moment donné, se ramassent dans un... C'est pas comme ça s'est passé. C'est bien différent et ce serait vraiment astrophysiquement trop long à raconter. J'ai plus d'autres questions, mais j'aurais... Moi, j'ai une raison. Je te laisse parler. C'est comme tu veux, c'est ta conférence. Okay. Je te laisse parler, je vais faire un tour et je reviens. OK. Ah oui, OK, je parle. Je voulais apporter des précisions sur la question de tantôt au sujet de Mordred et Arthur. Parce que Mordred était l'antihomme de Lancelot. Mordred a été créé par l'acte d'amour physique entre Arthur et Morgane, qui étaient frère et sœur, et qui était le vice le plus profond de Lancelot, qui était l'amour physique. Lancelot aimait, adorait Arthur, adorait Geneviève adorait Lancelot, et ainsi de suite. Il y avait un trio Vera qui se développait là-dedans, puis il y avait un gros problème de personnalité entre Lancelot et Arthur à cet effet-là, c'est-à-dire que Lancelot s'est toujours senti coupable face à Arthur, s'est toujours senti coupable face à Geneviève, et vice-versa. Tout le monde se sentait coupable par rapport à l'autre. Ce qui fait qu'un fils a été enfanté, qui s'est appelé Mordred, qui a été élevé par les Dames du Lac, sur l'île d'Avalon, comme l'avait été Lancelot, comme l'avait été Arthur, et comme l'avait été Morgane. Ce sont des gens qui contrôlaient bien le dragon, le style Merlin, ou de Merlin, Morgane, Morgoth, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, par le rejet, Lancelot a voulu rejeter son antihomme. En rejetant son antihomme, il a gardé les qualités, lui a souffert beaucoup de cette dualité-là. En rejetant son antihomme, l'antihomme s'est réincarné dans le corps physique qui lui ressemble le plus, qui était Mordred. Mordred était une copie conforme physiquement à Lancelot à l'époque, ce qui posait aussi beaucoup de problèmes à la cour parce que c'était le fils d'Arthur, mais qui ressemblait exactement à Lancelot. Donc, d'ailleurs, Mordred, toute sa vie, a essayé de faire sortir l'antihomme de Lancelot, a provoqué Lancelot et jamais Arthur, parce qu'avec Arthur, il n'y avait aucune prise. Arthur était très teflon. Il y avait beaucoup de... Mordred essayait de le piquer, de le provoquer, de le faire choquer. Il a même été jusqu'à avouer à la cour ou avouer à la table ronde que Arthur avait été cocu, finalement, comme roi. Il a essayé de causer des problèmes à cause de ça. Il a provoqué Lancelot en duel amical, en théorie. Un duel, ça peut être amical quand c'est dans un tournoi chevaleresque. Et puis, Lancelot ne voulait pas répondre à l'attaque. Mordred a quand même continué à pousser, puis il a giflé Lancelot. Ça n'a toujours pas marché. Et puis, à un moment donné, il a voulu salir la réputation d'Arthur et Geneviève devant la cour, ce qui a fait sortir Lancelot de ses gonds. Puis Lancelot est sorti. Là, il y a eu une bataille contre Lancelot et Lancelot, finalement, puisque c'était Mordred et l'incarnation de l'antihomme de Lancelot. Donc, il y avait une bataille entre les deux très forte. Le fils de Lancelot, qui était Galahad, lui réincarnait seulement du blanc. C'est lui qu'on dit qui a mis la main sur le Graal, qui avait connu qui était vraiment transparent, puis qui avait vraiment réussi à devenir quelqu'un d'intéressant. Il était la copie blanche de Lancelot seulement, sans les problèmes égoïques, tout ça. Lancelot aurait dû un jour tuer Mordred, qui était le fils d'Arthur, son roi, mais qui était son anti-homme, aurait dû un jour tuer Mordred pour mettre fin à cette dualité-là. Il n'était pas capable de le faire, ce qui fait en sorte que c'est Arthur qui s'est ramassé face à face. Arthur a dû combattre Mordred, donc Arthur a dû tuer l'anti-homme de Lancelot, qui était son meilleur ami à l'époque. Et puis, il a été tué par la même occasion de son anti-homme, c'est-à-dire l'anti-homme de Lancelot. Parce qu'Arthur, lui, à cette époque-là, était pur, beaucoup plus pur que tous les autres chevaliers de la Table Ronde, ce qui fait en sorte qu'il n'a pas participé non plus à la quête du Graal, parce que lui, il ne cherchait pas le Graal, il l'était, le Graal. Les chevaliers ne l'étant point, ils avaient goûté à la saveur du Graal qu'Arthur avait pu communiquer ou rayonner. Les chevaliers sont partis à la quête du Graal, et puis ils n'ont pas retrouvé, sauf Galad, qui était le fils de Lancelot. Et puis, n'ayant pas retrouvé cette saveur-là, mais comme ils avaient déjà goûté, ils ont continué toute leur vie et toute leur réincarnation subséquente à chercher le Graal. Et ils ont commencé à comprendre, il n'y a pas tellement d'années, qu'il ne faut pas qu'ils cherchent le Graal, mais qu'ils deviennent le Graal. Comme Arthur était, à l'époque, le Graal lui-même. C'est ce qui fait qu'on parle aussi souvent de... qu'on peut percevoir les gens qui sont en conscientisation ou en évolution un certain approchement avec les chevaliers de la Table Ronde ou avec ceux qui ont côtoyé le Christ ou avec les apôtres ou avec ceux qui ont côtoyé en quelque part dans le temps le Graal, tant aussi longtemps que la recherche se faisait en association, en groupe, comme étant les chevaliers de la Table Ronde, il ne pouvait pas y avoir de découverte du Graal puisqu'il fallait que ça soit fait individuellement. Il fallait que chaque personne trouve son Graal, en réalité devienne le Graal, pour qu'ensuite la Table Ronde puisse redevenir, puisse exister à nouveau. La Table Ronde n'existera que lorsque tout le monde aura trouvé son Graal, son identité propre, sa conscience, sa connaissance. C'est une précision sur Mordred. Je ne sais pas si c'était la personne qui va poser une question sur Mordred, donc c'était est-ce qu'elle va se réincarner? Est-ce que Mordred. Pas elle va, mais je pense que j'ai le sentiment que c'est une femme qui a posé la question. Mais est-ce que Mordred va se réincarner tant aussi longtemps que Lancelot sera capable de rester blanc? Mordred ne se réincarnera pas. Mordred pourra essayer, mais Mordred sera toujours combattu par Arthur et Lancelot. Et si Arthur et Lancelot peuvent rester suffisamment blancs, la naissance de Mordred aujourd'hui ne peut pas exister. Je me suis dit, je m'assois en arrière, j'ai jamais assisté à la fin d'une de mes conférences. Ah. Comment c'était? Alors, ah, c'était intéressant. Okay. Alors, ta prochaine conférence, c'est ma première rencontre avec Dieu, le 22, vendredi prochain. Et l'autre qui est intéressant, c'est l'autre qui m'intéresse le plus, souvent je vais sauter celle-là. Ma première rencontre avec moi-même, le 29, qui est le jour de la Toussaint. Eh bien, on verra si ça donnera. On verra. En attendant, on se centre chez soi, on s'amuse, on se plaît, on investit là où ça va durer. Et on n'embrasse pas les extraterrestres. En bonne semaine!